السلام عليك ورحمة الله وبركاته شيخنا الكريم، لعلك بخير إن شاء الله. يا شيخ، on a une question du collectif Puits de Hassanet sur le fait de donner sa zakat al-mal pour une récolte pour de la nourriture pour un orphelinat. Voilà, donc il y a un projet qui est de récolter une somme d'argent pour envoyer cette somme d'argent, et cette somme d'argent, tous les mois, l'argent servira à acheter la nourriture pour les orphelins au Cameroun, à la madrasa de Fombot. Est-ce que l'argent de la zakat peut être zakat el mel, peut être donné pour ce genre de projet? Tafaddal wa jazakallahu khairan ya cheikh وعليكم wa السلام barakallahu ورحمة الله fik. وبركاته. Par rapport à donner l'argent de la zakat el mal à un orphelin, nam, yani pour voir si c'est permis ou pas, il faudrait savoir que l'orphelin ne rentre pas dans les huit catégories, les huit qu'il y a, yani, auxquelles on doit donner la zakat. Car pourquoi? Car l'orphelin peut être riche. Non, un orphelin, il est possible que son père lui ait laissé une usine ou je ne sais pas quoi. Mais si l'orphelin auquel vous voulez donner l'argent lui-même rentre dans les catégories, c'est-à-dire qu'il est pauvre, il n'a pas de quoi, par exemple, être nourri, dans ce cas, c'est possible, inshallah ta'ala. Allah azza wa jalla a'lam.